pénitencier. C'est pas très fort. Et bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Ma vie. Dans que dans ta chambre. Bien avec son fils. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais nous pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Fait pour nous, ça dit qu'on peut tricher. Ah, que Johnny Hallyday, je l'ai vu en concert. Eh ben, avant, je n'aimais pas Johnny Hallyday. Après, j'ai dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie. Putain, j'ai des cordons partout là, c'est tout mélangé.